Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, s'est fait photographier en souvenir au Palais du Soleil de Kumsusan, sanctuaire suprême Juche, avec les personnes qui ont contribué à la réussite de l'essai d'explosion de l'ogive nucléaire. Y ont figuré Lee Man-gon et Hong Sung-mo. Le camarade Kim Jong-un a félicité les méritants qui ont contribué à manifester dans le monde la force et l'invincibilité de la puissance nucléaire Juche, Corée de Sungun, à travers l'essai de la puissante explosion de l'ogive nucléaire destinée au combat réel. Il s'est fait photographier en souvenir avec eux après avoir exprimé la certitude qu'ils accéléreront l'armement nucléaire avec l'esprit d'attaque inflexible du Pektu et l'esprit de Kunzali des années 1950 pour renforcer sur le plan quantitatif et qualitatif les forces armées nucléaires de l'État destinées à défendre la souveraineté du pays et le droit de la nation à l'existence. Ils remporteront un nouveau succès dans l'effort pour consolider le statut stratégique de notre République, digne puissance nucléaire qu'aucun n'ose toucher.